La la boom la boom yeah. Yo, what's talking? The mic again. For Jesus Christ. Yeah. Parce que c'est pas un nom, ni un héritage, une obligation, ou même une force et mal que ce n'est pas un nom, ni un héritage, ce n'est pas une obligation. Je voulais un ami, j'ai cherché un chrétien, ah oui, ça j'en ai trouvé, mais pur selon le cœur de Dieu, là ça c'est corsé. Difficile de trouver un chrétien vraiment consacré et qui respecte ce que Dieu lui a demandé. Y'en a tellement qui se disent chrétien pour tout rien. À tel point qu'aujourd'hui chrétien pour certains ça n'évoque plus rien. Il y en a qui se disent chrétien parce que leurs parents sont chrétiens. Il y a d'autres qui se disent chrétien quand ça fait joli. Mais chrétien ce n'est pas un nom, ni un héritage, ce n'est pas une obligation, ni une fausse image. C'est accepter Jésus Christ comme son seul ami. Oui, dès aujourd'hui, mets-le dans ta vie, tu verras comme la vie est bien plus belle, beaucoup plus facile. Je voulais un ami, j'ai cherché un chrétien, ah oui, ça j'en ai trouvé, mais pur selon le cœur de Dieu, là ça c'est corsé. Difficile de trouver un chrétien vraiment consacré et qui respecte ce que Dieu lui a demandé. Yeah. Il y en a qui se disent chrétiens mais qui aiment beaucoup la bonne. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Il y en a qui se disent chrétiens mais qui pratiquent l'idolâtrie. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Y'a des faux chrétiens non mariés qui pratiquent la sexualité. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. J'ai même entendu dire qu'il y a des chrétiens qui prient Marie. Alors là, en supplément, je voulais un ami. J'ai cherché un chrétien, ah oui, ça j'en ai trouvé, mais pur selon le cœur de Dieu, là ça c'est corsé. Difficile de trouver un chrétien vraiment consacré et qui respecte ce que Dieu lui a demandé. Signe lié, au nom de Jésus, maintenant t'es délié. Nous avons reçu l'autorité sur la terre liée. Où t'es délié, maintenant tu seras le premier. Si avant t'étais le dernier, devant Jésus viens se milier. Avec lui te réconcilier, ton avenir est quadrillé. Plus de jours dans ton calendrier, tout oublié. Tes erreurs passées oubliées, tout oublié. Tes erreurs passées oubliées, lève-toi et marche avec tes souliers. Ce qu'il a fait pour toi, va le publier. Car Christ ce n'est pas un nom, ni un héritage, ce n'est pas une obligation, ni une fausse image. Chrétien c'est accepter Jésus qui comme tout seul ami. Oui dès aujourd'hui mets-le dans ta vie. Tu verras comme la vie est bien plus belle et beaucoup plus facile aussi. Car chrétien ce n'est pas un nom, ni un héritage, ce n'est pas une obligation, ni une fausse image. Chrétien c'est accepter Jésus qui comme tout seul ami. Oui dès aujourd'hui mets-le dans ta vie. Tu verras comme la vie est bien plus belle et beaucoup plus facile aussi. Être chrétien c'est respecter tout ce que dit Jésus Christ. Éviter de faire tout ce que dit toi les mauvais amis. Savoir surtout que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et surtout toujours lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Madame Dini, ça rapouille, c'est la scie. Pourquoi jamais de ses rats à Paris? Toute la journée, y'aura ça y'a donné. Mais pourquoi y'a pas des dents, tu fais là aussi. Madame Dini, ça qui rapouille, Marie. Tous les dimanches, y'aura valé l'hostie. Mais des billons, y'a un problème de la vie. Faut vrai, y'aura coupé quoi pour la mini. Je voulais un ami. Yeah. J'ai cherché un chrétien. Ah oui, ça j'en the only one way. Mais pur. Alléluia. Le cœur de Dieu, là, ça c'est corsé. Soyez sincères de vos droits. C'est difficile de trouver un chrétien. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il respecte ce que Dieu lui a demandé. Je il est contre l'hypocrisie. Un ami, il aime la vérité. J'ai cherché un chrétien, ah oui, alléluia. Ça j'en ai trouvé. Mais pur selon le cœur de Dieu, là ça c'est corsé. Difficile de trouver un chrétien vraiment consacré et qui respecte ce que Dieu lui a demandé. Yeah.